L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Ni hao lang yo tsai. Bonsoir à tous mes petits loups, vous êtes bien sur Osmose Radio, oh la radio céleste aux nombreuses qualités et aux merveilleux animateurs. Et puis au milieu, il y a Stéphane qui fait décidément très mal l'accent asiatique, hein, que voulez-vous, n'est pas Michel Leb qui veut. Vous êtes bien dans l'heure du loup, votre émission rock et new wave, et ce soir, comme c'était le nouvel an chinois ce week-end, je vous propose une playlist consacrée aux pays asiatiques, à la Chine principalement, mais aussi aux pays d'extrême Orient en règle générale. Cette année, on entre dans l'année du coq de feu, et bien j'en veux pour preuve la playlist que je vous ai concoctée ce soir, une playlist enfiévrée, une playlist endiablée, et ça commence comme ça. Shadowing above your head. You untie him when the lights are red. Cool down in wandering hell. Don't turn around. And now you want to deal with with some moments. And now they're trying to do is keep you quiet and small. But I'll drive you safe into the night sky. They'll shoot the plane, we'll die in Shanghai. And now you want to deal with being yourself. And now they're trying to prove is you're the criminal. Oh, I'll drive you safe into the night sky. They'll shoot. Cordial. Cordial. Le pouce au crible. Agnol, l'alcool, quoi. J'en ai justement une bouteille pour les grandes occasions. Non, l'alcool est formellement interdit par notre vaillante armée démocratique. Oui, mais attention, un prix comme remède, c'est pas la même chose. Non, vous allez voir, ça va vous remonter. C'est un vieux calvin que mon beau-frère m'envoie en douce. Mais faut pas le dire. Vous n'en avez pas du comme ça chez vous. Tenez. Est-ce que l'alcool... Ça soulage la souffrance et apporte oubli. Hey, dame, c'est pour ça qu'il y a tellement de poivreaux dans le monde. Allez, chine, chine, hein? Thank you. trickles in through the window of this dusty antique store. I stand behind glass on the shelf where I have been left for so long. Suddenly, the sound of bells. A stranger walks through the door. My dispassionate gaze focuses on you. See my painted surface. reposer, m'ont-ils dit. Un simple travail de bureau à Londres. Avec tous les avantages auxquels a droit un commissaire de Scotland Yard. Oh, j'ai hâte de repartir en Birmanie, putain. Ah, c'est ce temps de chien qui vous démoralise, ce maudit brouillard. Non, c'est pas ça. C'est l'impossibilité pour moi de sortir de ma routine et d'agir. Il se passe quelque chose, Peter. Et de très important. Quelque chose de grave, et dans toute l'Europe. Vous pensez à cette vague de crimes? Non, ce qui me tracasse, c'est que tout est centralisé et organisé d'une façon extraordinaire. Il y a un maître, un cerveau supérieur, qui domine et dirige toute cette affaire. Merci, Lotus. Avec de l'eau? Non, merci. Les crimes liés au trafic de la drogue ont subitement augmenté. Et vous avez remarqué le nombre d'Asiatiques mêlés aux gangs des tueurs? Encore une fois, le péril jaune. Vous êtes surmené, Nelrod. Bien entendu, pour vous, médecin, c'est réglé. Un mort est un mort, c'est bien ça, à votre santé. Et en souvenir de vos jours de lutte contre Fu Manchu. bâtiments sous immeubles, dont l'inverse du soir, quand les restes chinois allument leurs enseignes, dont les néons éclaboussent le sombre brouillard de couleurs trop criardes, qui dégoûtent et qui saignent d'une des entrées dégueulasses, des parkings souterrains, gouffres de béton sale, qui en sont des longs fers, de l'asphalte sans fin, et du malaise urbain, et les télés s'allument derrière les baies de verre. Sur le fond de la chaîne. Domicile, pizza emporté, vidéo location, tabac ouvert la nuit, boulevards embouteillés, des ruelles encaissées, stations de métro, des stations de taxi, orage tropical, dont l'hiver parisien, sur les feuilles des arbres de la résidence, nervosité de 20h, nos tubes bleus sont en temps, et les fenêtres d'en face s'allument en cadence. Comme dans les polars, ou dans l'appartement, toujours bien dans bordel, spin de salle de bain, ou spin sur le plumeur, en envoyant le périscope dans la poubelle, vertige des solitudes, dans la ville géante, 10 millions de fourmis, dans la ville lumière, balcondée aux étages, et la chute te tente, allez oublie tout ça, et ouvre une autre bière. De retour dans l'heure du loup, les amis, vous êtes toujours sur Osmose Radio avec Stéphane et avec cette sélection musicale consacrée à la Chine et à l'Asie en règle générale à l'occasion du Nouvel An chinois qui avait lieu ce week-end. Si vous cherchez un titre, ne vous en faites pas, je vous publierai la playlist sur le Facebook de l'heure du loup incessamment sous peu. Ce sera facebook.com/l'heure du loup tout attaché. Ce soir, c'est donc une sélection musicale dopée au gingembre qui va vous donner la fureur du tigre, la vaillance du dragon pour danser toute la nuit ou au moins pendant encore une bonne demi-heure. Parce que ouais, avec le froid hivernal en ce moment, on a plutôt la testostérone du panda. C'est pas terrible. Alors du coup, je vous propose de continuer avec cette playlist débridée et on continue tout de suite. Zing! Yeah. Son cœur et de son esprit. Tu as vu cette aisance? Il est sur la voie du zen. Il a laissé la haine quitter son cœur. C'est un grand travail sur soi. Je comprends pas grand-chose de tout ça. Faire du kung-fu, c'est méditer. Tout comme faire de la cuisine, tu sais. La démarche est la même. Wu Dao, la vie est faite d'épreuves et d'expériences diverses et multiples. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Quitte le monastère. Va voir le monde extérieur. En dehors de faire la cuisine, je suis bon à rien. Je sais rien faire d'autre. Je reste. Entre la pépite d'or et la motte de terre, laquelle te serait plus utile? L'or, évidemment. Et si je te donne une graine? 春水道，天河愁怒，百丈悬，翻天琢磨，吞宝鼎，沉如落水锁巨猿，脱鳞换甲鱼龙变，饮马逐鹿鹏离声，铁马羊角响吹息，蛮夷离帐下刀兵。 Voilà les amis, c'était ce soir ma sélection musicale consacrée à l'Asie, à la Chine, à l'Extrême-Orient et patati patata. Si vous en voulez encore, mais vous êtes insatiable, eh bien, sachez que vous pouvez retrouver les podcasts des émissions consacrées à la même thématique, l'Asie et la Chine, sur le site d'Osmose Radio, osmose-radio.fr, où Abel et Noureddine, les gentils techniciens d'Osmose Radio, vous ont mis à jour la page des podcasts de L'Heure du Loup, et vous pouvez retrouver toutes les émissions précédentes sur ce thème-là, l'Asie, la Chine, et voire même le Japon, dans la rubrique L'Heure du Loup. Abel et Noureddine, ils sont payés à peu près comme des ouvriers dans une usine d'iPhone, mais ils font du très bon boulot. Moi, chers amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de L'Heure du Loup. Et ce soir, comme notre habitude, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé. Ce soir, ce sera de la musique traditionnelle mongole, parce que, ouais, les hordes mongoles ont botté le cul des Chinois en leur temps, ont passé la Grande Muraille et ont donné toute une dynastie d'empereurs à la Chine. N'oublions pas que les Mongols avaient Genghis Khan, n'oublions pas que la brillante civilisation chinoise avait Kubilai Khan. Et puis nous, en France, on a Strauss-Kahn. Ouais, bon, c'est pas terrible. Alors du coup, on va se quitter avec la musique traditionnelle mongole, ces sons si particuliers des instruments qui jouent dans les grandes plaines. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne fin de soirée. Bisous.